Les infos de ce mardi matin avant No Doubt, c'est avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et pas de victimes, mais de gros dégâts matériels. La tempête Adrian a balayé la Corse. L'alerte rouge a été levée sur l'île et le vent a commencé à faiblir. Mais hier, les 4 aéroports et les ports ont été fermés. 300 personnes ont été évacuées de 2 campings et plus de 16 000 foyers privés d'électricité. Ce matin, c'est la neige qui bloque le centre du pays. 27 départements sont en vigilance orange, dont 25 en alerte neige et verglas des Ardennes à l'Aveyron. En Haute-Loire, 800 véhicules ont été bloqués hier soir sur la route. Près de 200 personnes ont dû passer la nuit dans des hébergements d'urgence. Christophe Castaner porte plainte dans la ligne de mire du ministre de l'Intérieur. Un appel sur Twitter à la purge contre les policiers. L'auteur des messages a été identifié. Il s'est rendu de lui-même au commissariat de Grenoble. Âgé de 19 ans, il a évoqué une mauvaise blague. Il a été placé en garde à vue. Un nouveau procès pour Jérôme Kerviel. Après une victoire au prud'homme, l'ancien trader se retrouve de nouveau face à la Société Générale. Il y a 2 ans, la banque avait été condamnée à lui payer 455 000 euros. Elle avait fait appel. À l'étranger, au Brésil, Jair Bolsonaro met un peu d'eau dans son vin. Le nouveau président d'extrême droite a finalement exclu toute intervention militaire au Venezuela. Dans un entretien télévisé, il affirme vouloir chercher une voie pacifique malgré, dit-il, les difficultés causées par la dictature de Nicolas Maduro. Donald Trump, lui, va envoyer 5000 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique. Ils viendront s'ajouter aux 2000 militaires déjà présents sur place. Le président américain veut empêcher 4000 migrants partis du Honduras d'entrer aux États-Unis. On passe au sport. Le tennis, suite du premier tour au Masters 1000 de Paris-Bercy. Chez les Français, Jérémy Chardy ouvrira le bal aujourd'hui, suivi d'un duel 100% tricolore entre Lucas Pouille et Gilles Simon. Joe Wilfried Tsonga sera opposé à Milos Raonic. Hier, Richard Gasquet et Adrian Manarino se sont qualifiés pour le second tour. Fin de l'aventure en revanche pour Nicolas Mahut et Hugo Humbert. Et puis en foot, à suivre aujourd'hui 2 matchs des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Montpellier face à Nantes et Lille qui se déplace à Strasbourg. La météo, on le disait, 27 départements sont toujours en alerte orange ce matin. Vigilance neige verglas des Ardennes à l'Aveyron, vigilance inondation dans le Var et vigilance orage, pluie, inondation en Corse du Sud. Ce matin, il neigera jusqu'en plaine de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est. Ces chutes de neige toucheront l'Île-de-France, le centre-Val de Loire et les Hauts-de-France avant de tourner à la pluie. Le temps restera perturbé dans le Sud-Est et le Centre-Est, mais moins qu'hier. L'après-midi, ça devrait un peu s'améliorer malgré quelques averses persistantes du Bas-Rhin au nord du pays. Les températures ce matin, elles sont très fraîches. 0 à Saint-Flour, 1 degré à Belfort, 4 à Mont-de-Marsan, 6 à Amiens et Vannes, 8 à Antibes et 13 à Aléria. 6h03, vous avez fait le bon choix encore ce matin. RTL 2 avec le son pop rock qui réveille. Voici No Doubt, Don't Speak. I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, no, just what you said. So please stop explaining. Don't tell. classiques pop rock comme on les aime pour ouvrir les yeux un mardi matin. C'était No Doubt sur RTL2, Don't Speak à 6h06. Le double expresso RTL2. Le best-of avec Sylvain Alexis. Vous êtes dans le best-of du double expresso. Bonjour, bon réveil ce matin encore avec toute l'équipe. Jérémy qui réalise l'émission, Clara et Anaël. Nous allons vous proposer les meilleurs moments de l'émission, des infos expresso, des winners du jour, des top 3 de Jonathan O'Donnell. On va se faire plaisir, oui, avec les meilleurs moments pour bien attaquer ce mardi matin. 30 octobre aujourd'hui, il y a 38 ans, jour pour jour, Coluche se déclarait officiellement candidat à l'élection présidentielle. L'idée de départ, vous vous en souvenez sans doute, c'était une vanne. Et puis en fait, bah, il l'a fait. À un moment, il atteint 15% d'intention de vote, ce qui fait rire jaune au sommet de l'État. Finalement, il finira par se retirer, Coluche, après dépression. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander s'il devait se présenter aujourd'hui? De faire un truc peut-être pour réchauffer l'air fin octobre, parce qu'il ne fait vraiment pas chaud encore ce matin. Bon, va falloir s'y faire, l'hiver arrive. Et quel que soit le temps dehors, le son pop rock est bien là, lui, pour nous réveiller. Ouais, j'ai Bruno Mars à vous proposer pour la suite. Bruno Mars et Imagine Dragons, c'est le nouveau, en attendant l'album Origins, le 9 novembre, voici Natural sur RTL2 avant une petite info expresso by Greg et Justine. C'est le best-of du double expresso, installez-vous, on est ensemble jusqu'à 9h sur RTL2. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear I'm gonna make it. I'm gonna Imagine Dragons sur RTL2, Natural, oui ça réveille, oui ça met la tête à l'endroit comme il faut pour être prêt à écouter une info expresso. Greg et Justine vous donnent des pistes malines pour arrondir vos fins de mois avant 6h30. On aura aussi votre horoscope. Ouais, ça aussi ça réveille et ça met une deuxième fois la tête à l'endroit si par hasard il y a besoin. Bruno Mars est à suivre pour le son pop rock RTL2, bon réveil, bonjour. c'est Francis Zégut. Bienvenue au Pop Rock Station Club. Tous les soirs, entre 22h et minuit, deux salles, deux ambiances où vous pourrez découvrir ma sélection sur le dance floor. RTL2, open bar sur les reprises originales, des classiques, des lives et des nouveautés pour des cocktails explosifs en happy hour. Entrée gratuite pour les filles et les ours polaires. Tous les soirs, 22h minuit, Pop Rock Station by Zégut sur RTL2. Le mot de passe pour entrer, merci madame. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Julia, responsable du rayon frais, dit à Jean. Pour l'achat d'un camembert pasteurisé président Origine France, vous avez 60% de remise immédiate sur le second. Soit 1,89€ les deux camemberts. Ça sent bon les bonnes affaires, ça. 1,89€. Oula oui, c'est fort. Très fort. Alors dépêchez-vous. Les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Soit les deux boîtes de 250 grammes chacune à 3,78€ le kilo. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Dormir comme un loir, comme une bûche. Pour s'endormir, on peut toujours compter sur la nature ou sur L72, un médicament homéopathique aux 10 substances actives traditionnellement utilisées dans les troubles mineurs du sommeil. Nouvelle composition, ce médicament contient de l'alcool, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. À partir de 30 mois, chez l'enfant, prendre un avis médical. Laboratoire Lenning. Leclerc. Philippe, c'est toi qui as acheté du whisky ? Oui, madame, chez Leclerc. Avec Clan Campbell Blended Scotch Whisky. Une robe ambrée, des notes florales, un arôme légèrement fumé qui mêle malt et caramel. Et avec 30% de tickets Leclerc. Dis donc, t'as étudié la question. 30% de tickets Leclerc. Du 30 octobre au 10 novembre chez Leclerc, la bouteille d'un litre de Clan Campbell est à 17,85€ avec en plus 30% de tickets Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ah, l'Écosse, c'est tradition et c'est Clan Campbell avec du ticket Leclerc. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. RTL2. Le son pop rock. Pop rock de Bruno Mars sur RTL2, Locked Out of Heaven. Locked Out of Heaven. Vous arrivez à le répéter deux fois de suite, c'est bon, vous êtes bien réveillé et prêt pour une bonne journée qui démarre avec un best-of du Double Expresso, Info Expresso tout de suite. On parle avec Greg et Justine de sous, de thunes, bref, d'argent. RTL2, l'Info Expresso. L'Info Expresso trouvé sur cosmopolitan.fr. Bon, les impôts, la taxe d'habitation, les 1500 anniversaires autour de vous, vous avez besoin d'une petite rallonge de salaire. Ça, ça nous arrive à tous. Et justineselement.com vous distribue son argent. Eh ben non, j'ai des bons plans pour, pour justement arrondir vos fins de mois. Par exemple, organiser un vide dressing. C'est très pratique, il y en a de plus en plus organisés partout dans toutes les villes de France. Vous pouvez proposer le vôtre à domicile même, inviter à vos amis à venir vendre leurs propres vêtements. Ça se fait beaucoup et sur internet également, si vous n'avez pas envie de vous embêter. Vous avez Vide Dressing, Vinted, Vestiaire Collective, il y a plein de sites qui aident à ça. Vous prenez la photo, bim, vous vendez, c'est hyper pratique. Je peux vendre un pull à capuche si vous voulez. Oui, c'est ce que t'as. Tu peux proposer ça de toute façon. Donc, j'ai ma gamine qui fait ça, la Vinted, effectivement. Bah oui, moi aussi, je m'y suis mise. C'est vachement bien. On a aussi aussi, vous pouvez vous mettre au jobbing. Le jobbing, en fait, ça consiste jobbing, à mettre. Jobbing, pardon, on l'a défoncé en la faisant. On l'a failli. Si c'est Greg qui l'a fait, c'est bon. Pardon, c'est sorti, c'est le chef d'un cœur, moi. Le jobbing, donc, ça consiste à mettre en relation des particuliers qui ont besoin d'aide pour un service et des particuliers experts. Par exemple, si vous êtes calé en plomberie, si vous êtes couturière à vos heures perdues, moi. Alors, moi, personnellement, je m'en suis servi. J'ai utilisé le jobbing cet été pour repeindre mon appartement. Quelqu'un est venu peindre ce que je ne sais pas faire. Et depuis, t'as déménagé, du coup, c'est une bonne idée, vraiment. Bah, dans mon nouvel appartement. Ben oui. Merci. Donc, ça, il y a plein de sites et d'applications. Il y a Nidel.com, YouPiJobs, Tutti également. Ouais. Et voilà, si vous voulez aussi faire du dog sitting, il y a plein de sites et plein d'applications. Et louer votre voiture entre particuliers, c'est possible aussi. Et tu vois, quand je vois tout ce que tu viens de nous dire, je m'aperçois que Max, qui s'occupe des réseaux sociaux, fait tout. Voilà, les quatre trucs, tu fais les quatre. Moi, je suis très 2.0, t'inquiète. C'est impressionnant. Gratuit et à suivre. Votre horoscope pop rock arrive ce matin dans le best-of du Double Expresso après Super Tramp. Voici The Logical Song sur RTL de Bon Réveil Pop Rock. Responsible, practical, and then- 10h26, vous écoutez RTL2. Merci d'être avec nous ce matin encore avec Supertramp, The Logical Song. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Ouais, c'est la chanson la plus chantée dans les écoles en Angleterre, ce Supertramp avec The Logical Song. Chez nous, en France, c'est Les Lacs du Connemara de Michel Sardou. Deux salles, deux ambiances, oui. Merci Jérémy, bien sûr. Voilà, c'est le drame, c'est-à-dire que vous lui dites Michel Sardou et hop, ça démarre. L'horoscope de ce mardi, chers amis, on y va avec nos médailles de bronze. D'abord, les cancers, ne restez pas sur une mauvaise nouvelle, il faut remonter la pente. Les vierges, vous allez avoir besoin d'un petit coup de boost aujourd'hui. Poissons, il faut voir le verre à moitié plein. Voilà, médaille d'argent, bélier, tout va bien pour vous en ce moment, continuez sur votre lancée. Les gémeaux, restez toujours aussi souriants, cela fait du bien à tout le monde. Les lions, vous avez envie d'aller toujours plus loin dans vos projets, foncez, c'est le conseil. Balance, vos proches ne disent que du bien de vous. Les scorpions, cultivez votre personnalité, elle vous rend unique. Sagittaire, vous êtes d'humeur resplendissante aujourd'hui. Les capricornes, voilà une journée parfaite pour se détendre. Verseau, votre charme va vous donner un coup de pouce aujourd'hui. Et la médaille d'or du jour, elle est pour qui? Elle est pour les taureaux. Soyez rassurés, tout le monde vous décrit comme quelqu'un de génial. Eux sont géniaux à deux. Axel Bauer et Zazie sont à venir. On se réveille tranquillement ce matin, c'est mardi. Bonjour et bon réveil, c'est le best-of du Double Expresso jusqu'à 9h. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock. La fraîcheur vous gagne. Leclerc. Chérie, en ce moment, avec la carte Leclerc, tous les 25 euros d'achat, tu reçois des points. Et avec 10 points, cette boîte de conservation sous vide Nutri-Fresh est à 50 centimes seulement. Et pour 2 points et 50 centimes de plus, la pompe à vide d'air qui va avec. Génial ça, pour conserver les produits frais. Jusqu'au 10 novembre, avec votre carte Leclerc, collectionnez des points pour obtenir des ustensiles Nutri-Fresh. Voir modalité sur www.lafraîcheurvousgagne.leclerc. La fraîcheur me gagne. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Bonjour, c'est David Ginola. La France, un incroyable talent, revient avec des candidats prêts à tout pour vous surprendre. Préparez-vous à vivre un spectacle délirant avec un jury exceptionnel. Hélène Ségara, Éric Antoine, rejoint cette année par la sémillante Marianne James et le nouveau roi de l'impro, Sugar Sammy. La France a un incroyable talent. Le show le plus déjanté de la télé, ce soir à 21h sur M6. Thibaut, t'as vu ça? La Nintendo Switch? Ouais, ça fait longtemps que je l'ai repérée. C'est super, ça, comme console. Tu l'emmènes partout et tu peux jouer à plusieurs. Il y a 5 euros de ticket Leclerc. Ça, c'est direct dans la lettre au Père Noël. Du 23 octobre au 8 décembre chez Leclerc, la console Nintendo Switch est à 292,49€, dont 60 centimes d'éco-participation, avec en plus 5 euros en ticket Leclerc. Voir modalité et disponibilité en magasin et sur www.culture.leclerc. Une Switch, c'est cool ça pour Noël? Mais oui, moi j'adore. Sur RTL2, les infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. On démarre avec ce nouveau rapport alarmant pour notre planète. Entre 1970 et 2014, la Terre a vu les populations de vertébrés sauvages décliner de 60% à cause de l'homme. C'est le résultat d'une étude menée par WWF. Mammifères, oiseaux et poissons, tous sont concernés. Les Caraïbes et l'Amérique latine sont particulièrement affectés. Moins 89% d'espèces en 44 ans. En cause notamment l'agriculture intensive et l'urbanisation qui pousse à la déforestation et à l'épuisement des sols. À cela s'ajoute la surpêche, la pollution et le dérèglement climatique. Selon l'ONG, nous sommes la dernière génération à pouvoir inverser la tendance. En France, il n'y a plus que 17 départements en alerte neige et verglas ce matin. Cela va des Ardennes à la Haute-Loire, en passant par l'Ain et la Corrèze. La vigilance pluie-inondation a été levée dans le Var et en Corse du Sud. L'île a été balayée par le vent hier avec des rafales enregistrées à 180 km/h. Un homme a été grièvement blessé en Balagne. Il n'y aurait pas d'autres victimes, mais les dégâts sont nombreux. Le budget de la Sécurité sociale pour 2019 à l'épreuve de l'Assemblée. Après une semaine de débats et de tensions, les députés doivent voter aujourd'hui. Le texte devrait être validé sans difficulté. Et pour la première fois depuis 18 ans, ce budget sera positif avec 700 millions d'euros d'excédent prévu l'an prochain. L'objectif du gouvernement, c'est de boucher le trou de la Sécu en 2024. En Allemagne, la course à la succession est ouverte. La chancelière Angela Merkel a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière politique dans 3 ans après son 4e mandat. Il est temps, dit-elle, d'ouvrir un nouveau chapitre. Aux États-Unis, Donald Trump va envoyer 5000 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique. Ils viendront s'ajouter aux 2000 militaires déjà présents sur place. Le président américain veut empêcher 4000 migrants partis du Honduras d'entrer aux États-Unis. Nous parlons de sport pour terminer, Raphaël, avec la suite du premier tour au Masters 1000 de Paris-Bercy. À suivre chez les Français aujourd'hui, Jérémy Chardy qui ouvre le bal, suivi d'un duel 100% tricolore entre Lucas Pouille et Gilles Simon. Joe Wilfried Tsonga, lui, sera opposé à Milos Raonic. La météo, on le disait, il n'y a plus que 17 départements en alerte orange ce matin. Vigilance neige, verglas des Ardennes à la Haute-Loire. Vigilance inondation levée dans le Var et en Corse du Sud. Ce matin, il va encore neiger jusqu'en plaine de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est. Ces chutes de neige toucheront également l'Île-de-France, le centre-Val de Loire et les Hauts-de-France avant de tourner à la pluie. Le temps restera perturbé dans le Sud-Est et le Centre-Est, mais moins qu'hier. L'après-midi, ça devrait s'améliorer malgré quelques averses persistantes du Bas-Rhin au nord du pays. Les températures ce matin, elles sont très fraîches. 1 degré à Pontivy, 3 à Paris et Limoges, 4 à Haguenau, 5 à Valenciennes, 6 à Aubagne, 8 à Lesches-Cap-Ferret et 12 à Solenzara. 6h33 sur RTL2, vous ouvrez les yeux, bonjour, c'est le best-of du Double Expresso avec une histoire de choses insolites trouvées dans une voiture de location à suivre. Après Axel Bauer et Zazie, à ma place. Serait-elle à ma place, plus forte qu'un homme, au bout de ses impasses où elle m'a t'apprêt. Je ne demande rien. Les autres troubles où je Zazie sur RTL2 à ma place. Zazie qui prend place ce samedi à un concert pour la bonne cause, le concert des Coccinelles. C'est au Casino de Paris. Il reste quelques places. Si le cœur et les oreilles vous en disent, allez faire un petit tour sur RTL2.fr pour avoir toutes les infos. Angus et Julia Stone prennent la suite sur RTL2. Après notre winner du jour, Greg et Justine nous amènent ce matin à bord d'une voiture. L'Expresso RTL2, le winner du jour. Un winner trouvé ce matin sur westfrance.fr. Est-ce que tu fais des listes? Bah oui, tu sais que c'est ma passion de faire des listes. Des to-do listes. Oui. Bon, que tu vas jusqu'au bout. Que j'essaie d'honorer. Bon, et ben il y a un garçon qui a loué une voiture. Et souvent, quand on prend une voiture de location, on retrouve quelques trucs qui traînent de la personne d'avant. Bon, bah là, il a trouvé une liste. Mais une liste un peu, comment dire, liberticide. C'est une jeune femme qui a imposé des règles de vie à son compagnon. Oh. Et elles étaient marquées sur cette feuille et sur cette fameuse liste. C'est-à-dire? Je vous jure, je l'ai lu 20 fois, je suis autant angoissé à chaque lecture. Ah, vas-y. Ah non, mais ça me stresse, ça me rend dingue. Ça a fait le buzz sur Twitter, cette histoire. Il y a 22 règles qu'elle a imposées à son petit ami. Alors, c'est quand même peu valorisant pour elle et ça donne une image très autoritaire. Alors, il faut absolument que son petit ami n'ait pas le téléphone de femme célibataire ou il n'a pas le droit de suivre de femmes célibataires sur les réseaux sociaux. D'accord. Ça commence plutôt pas mal. Elle a le droit de vérifier son téléphone. Oh, elle s'est octroyé ce droit-là pour voir s'il se plie au règlement. Et je peux aller plus loin. Il doit être également disponible pour elle, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de répondre à ses messages dans les 10 minutes qui suivent. Imagine, l'angoisse. T'es en rendez-vous, t'es en réunion, Non, t'as 10 minutes pour répondre. C'est horrible. Il doit organiser un vrai rendez-vous avec elle une fois toutes les deux semaines. Et il doit lui dire qu'il l'aime une fois par jour. Attends, je finis celle-là parce que là, tu vas halluciner. À l'inverse, il n'a pas le droit de boire quand il n'est pas avec elle. Et il ne peut pas traîner avec ses potes plus de deux fois par semaine. Et lui, il reste, donc. Eh oui, parce qu'a priori, ils envisagent... Oui, c'est ça. L'angoisse. Il envisage de faire sa vie avec elle. Bah, il est aussi bête, pardon, hein, mais bon. Bah oui, il est un peu d'accepter responsable. Tout ça. Moi, elle, je vais la mettre dans ma liste des personnes à éviter. Tu vois, moi aussi, j'ai des listes. Ah ouais. Elle dégage. Voilà, c'était celle qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux hier. C'était triste. Notre winneuse du jour sur RTL. Angoissant, effectivement. Vous écoutez le best-of du Double Expresso sur RTL2. Son pop rock et bonne humeur, comme tous les matins avec toute l'équipe. Jonathan O'Donnell pour un top 3, comme il sait nous les proposer tous les matins. Ça vous dit? Allez, on va le retrouver avant 7h, c'est premier. Pour le son pop rock, voici Angus et Julia Stone pour Big Jack Plane sur RTL2. est tout bon. Angus et Julia Stone avec Big Jack Plane sur RTL2 à 6h42. Parlons cadeau avec l'iPad Pro à gagner encore ce matin. Vous allez faire tourner la roue Pop Rock avant 8h pour le gagner. Vous serez fort, je le sais. 32-28 pour vous inscrire. Cet iPad Pro est à vous pour fêter la sortie du film Événement Bohémien Rhapsody avec RTL2. Ça sort demain dans toutes les salles obscures. 32-28, vous êtes joueur ? Nous aussi, on vous attend pour être avec nous avant 8h, ouais, pour faire tourner cette roue Pop Rock. Et pour la suite, Genesis arrive avec également Bad Wolves sur RTL2. Bon réveil. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Muse. Ce titre d'Ed Sheeran, vous l'avez découvert sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. U-Power révolutionne la chaussure de sécurité et vous restitue plus de 55% d'énergie à chaque pas. Vous n'y croyez pas ? Venez essayer la technologie Infinergy, vous ressentirez un confort que vous n'avez jamais connu avant. Nous vous attendons pour essayer les nouvelles chaussures de sécurité dans tous les points de vente U-Power. Trouvez-les sur upower.fr. À la fois conseiller, commercial et responsable SAV, il sait tout faire en évitant les tuiles. Lui, c'est Richard. Richardoise, artisan couvreur et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy taille M Business avec navigation connectée 3D est à partir de 189€ par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit by 60 mois, 75 000 km avec premier loyer de 3 130€, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 octobre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Leclerc. Oh cool papa, t'as repris des bananes chez Leclerc ? Non, non, j'ai repris des bananes bio chez Leclerc. Ah, elles sont bio ? Oui, oui, bio mais a pris Leclerc. Et le bio a pris Leclerc. C'est le bio pour tout le monde. Voilà, une petite banane bio. Chez Leclerc, le bio est réservé à tous. Du 30 octobre au 3 novembre, les bananes bio Cavendish, catégorie 2 calibre P20, origine République Dominicaine ou Équateur selon arrivage en magasin, sont à 1,19€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Papa, c'est quand même cool de pouvoir s'acheter des bananes bio. Eh oui. Le son pop rock RTL2 vous accompagne partout avec l'appli RTL2. Ça, c'est le dernier Shake Shake Go, Come Back to Me sur RTL2. Come on! 7h47 avec RTL2. Vous êtes là? Nous aussi, c'est le best-of du Double Expresso jusqu'à 9h sur RTL2. Et Jonathan O'Donnell qui est prêt pour un top 3 qui va vous faire sourire avant de monter dans la voiture, avant d'arriver au travail pour les plus en avance. Ou alors avant la douche. C'est possible aussi à cette heure-ci. Le top 3 de Jonathan après Genesis, I Can Dance sur RTL2. Hot sun, RTL2, I can dance. Danser sous la pluie, c'est possible aujourd'hui, mais c'est risqué. Rhume, angine, tout ça, non, sans façon, rester au chaud, c'est mieux. Ça, c'est à consommer sans modération. Vous pouvez y aller, aucun risque. Ça fait juste plaisir aux oreilles et ça fait sourire. Voici le top 3 de Jonathan O'Donnell. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le Double Expresso RTL2. Revois, corrige et fais nourrir. Voilà ta devise. Oui, je me lance. Merci, chef. Chef, oh non, mais oh. Je sais pas, il m'a lancé. Tu vas à kebab? Comme un... Ah, elle est drôle, celle-là, j'avoue. J'avoue, c'est d'habitude, non? Celle-là, bon, faut l'avouer. Ouais, tu me fais pas rire, mec, mais là, ouais. Allez, on démarre avec une info insolite. Un chiot à deux têtes est né au Pérou. Il n'a qu'un corps, c'est vrai, un seul corps, mais possède deux museaux et quatre yeux. Oh. C'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ouais, non, mais ça doit être un sacré bordel quand tu lui envoies la babale. Hein. Oh, mais tout petit chiot. Ah, c'est compliqué. Bon. Oh, moi ça me fait de la peine. T'imagines s'il louche pour avoir la Noël. On va parler d'Amazon parce que contre le vol, Amazon piège ses livreurs avec des colis vides ou mal étiquetés pour vérifier l'honnêteté de ses employés. Ouais. Et ben moi je fais pareil à Noël avec des cadeaux vides. Et pour vérifier l'honnêteté de qui du coup? De personne, c'est juste que ça me revient moins cher. Voilà, petite astuce que je vous donne. Faites des cadeaux vides. Et on file en Indonésie. Aldi Novel Adilang, c'est un ado de 19 ans. Il a survécu 49 jours sur une cabane de pêcheurs à la dérive dans l'océan Pacifique. Oh, wow. Ouais, en Indonésie, quand ils abandonnent les gamins, ils font pas semblant. Hein, c'est... Un petit peu mégalo. Bad Wolves est en train de collecter des fonds pour réaliser un documentaire sur sa propre ascension rapide. Bad Wolves qui reprend les Cranberries, ses zombies et c'est dans le best-of du Double Expresso à 6h53 sur RTL2. Pop rock de Bad Wolves sur RTL2 avec Zombie. On pense à vous qui êtes bloqué sur la route avec la neige ce matin, particulièrement sur l'A89. J'ai reçu un petit message de Loïc sur la page Facebook RTL2. Loïc est chauffeur-livreur du côté de Saint-Etienne. Bah, bon courage Loïc et puis bon courage à vous tous. On est avec vous avec les meilleurs moments du Double Expresso. C'est le best-of jusqu'à 9h avec encore du winner du jour, encore de l'info Expresso et plein de bonnes choses à suivre. Et pour le son pop rock, Calogero. En tournée dans toute la France et en Belgique jusqu'au 8 février prochain. Il arrive pour Voler de nuit après vos infos de 7h sur RTL2. A tout de suite. RTL2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Lauren et RLP en live. Écoutez. RTL2 Pop Rock Party. Toute la semaine de 19h à 20h. Et les vendredis et samedis, version longue de 22h à 1h. RTL de Pop Rock Party. Montez le son. Leclerc. Leclerc. Juliette, ton père a racheté des galettes céréales bio chez Leclerc. Ah, bien. Galettes céréales or chèvre et miel par céréales bio avec 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc. 40% sur du bio. Et ça, il adore. Chez Leclerc, le bio est réservé à tous. Du 30 octobre au 10 novembre, le paquet de 200 grammes de galettes céréales orge chèvre miel bio céréales bio avec 40% de réduction immédiate est à 1,50€, soit 7,50€ le kilo. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. Voilà, le bio pour tout le monde. Pour votre santé, évitez de grignoter. Quand vous postez une offre sur la plupart des sites de recrutement, vous recevez beaucoup de candidatures. Je suis le directeur commercial dont vous avez besoin. Mais lorsque vous postez une offre sur Indeed, vous obtenez une sélection de candidats qui correspondent vraiment à vos besoins. Je suis directrice commerciale diplômée en commerce international et je parle couramment japonais. Sur Indeed, vous pouvez définir des questions de présélection afin de ne retenir que les candidats qualifiés. Et pour encore plus d'efficacité, Indeed propose des offres d'emploi sponsorisées. Rendez-vous sur indeed.com/offres pour bénéficier de 50€ offerts. Les conditions générales s'appliquent et sont disponibles sur notre site. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salers. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors Madame Beauchamp, vous êtes éleveuse de charolaise. Dites donc, elles sont impressionnantes. Oui, c'est sûr qu'elles profitent bien. Elles se nourrissent à l'herbe des prés les deux tiers de l'année. Et puis le reste du temps, c'est le fourrage de la ferme. Les deux tiers de l'année à brouter. Elles entretiennent vos prairies alors? Ah bah c'est sûr que sans nos bêtes, le paysage, il n'aurait pas du tout cette tête-là, hein, si j'ose dire. Et alors ça donne quel type de viande? Et déjà, une bête qu'on nourrit bien toute sa vie, à qui on a laissé le temps de grandir, naturellement, ça fait une bonne viande, très persillée, très goûteuse. C'est ça, les viandes racées. Bazadaise. Blanc bleu. Rouge des prés. Parthenaise. Gasconne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. RTL2. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais qu'est-ce qui te prend ? Eh ben, le compte à rebours a commencé. Comment ça ? Pendant seulement 6 jours, Samsung rembourse 300€ sur les lave-linges Quick Drive. Quick Drive, le lave-linge ultra rapide ? Le lave-linge ultra rapide. 300€ ? 300€. Seulement 6 jours ? Seulement 6 jours. Eh ben alors vite ! Bah attends-moi. Mais oui, vite ! Jusqu'au 31 octobre, profitez des 6 jours exceptionnels Samsung Quick Drive. 300€ remboursés sur tous les lave-linges Quick Drive en modèle 7 kg. Voir détails de l'offre sur samsung.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Que me vaut ton appel ? Eh ben en ce moment chez Lidl, ça vaut le coup, hein. Les deux escalopes de veau à griller 3 étoiles sont à 3,49€ les 230 grammes au lieu de 4,58€. 3,49€ les escalopes de veau, moins 23%. Oh la vache ! Ah oui, mais non, c'est du veau français, et à un prix qui vaut vraiment un petit détour. Hein. Eh ben quand tu me verras, c'est plutôt un grand détour, oui. D'accord. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,17€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mardi 6 novembre. 7h sur RTL2, bonjour et bon réveil. Ne sont pas vos infos pour ce mardi avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Un blessé et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de la tempête Adrian qui a balayé la Corse. L'alerte rouge a été levée sur l'île et le vent a commencé à faiblir, mais les quatre aéroports et les ports sont fermés. 300 personnes ont été évacuées de deux campings. Plus de 16 000 foyers privés d'électricité. Ce matin, c'est la neige qui bloque le centre du pays. 17 départements sont en vigilance orange, neige et verglas, des Ardennes à la Haute-Loire. La Haute-Loire où 800 véhicules ont été bloqués hier soir sur la route. Près de 200 personnes ont dû passer la nuit dans des hébergements d'urgence. Christophe Castaner porte plainte dans la ligne de mire du ministre de l'Intérieur. Un appel sur Twitter à la purge contre les policiers. L'auteur du message a été identifié. Il s'est rendu de lui-même au commissariat de Grenoble. Âgé de 19 ans, il a évoqué une mauvaise blague. Il a été placé en garde à vue. Un nouveau procès pour Jérôme Carviel. Après une victoire au Prud'homme, l'ancien trader se retrouve de nouveau face à la Société Générale. Il y a 2 ans, la banque avait été condamnée à lui payer 455 000 euros. Elle avait fait appel. À l'étranger, au Brésil, Jair Bolsonaro met un peu d'eau dans son vin. Le nouveau président d'extrême droite a finalement exclu toute intervention militaire au Venezuela. Dans un entretien télévisé, il a affirmé vouloir chercher une voie pacifique, malgré, dit-il, les difficultés causées par la dictature de Nicolas Maduro. Les sports, il y a du foot ce soir. 2 matchs des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. À 18h45, Montpellier accueille Nantes et à 21h05, Lille se déplace à Strasbourg. En tennis, Nicolas Mahut et Hugo Humbert ont été sortis du tournoi de Paris-Bercy dès le premier tour. Ça passe pour Richard Gasquet et Adrian Manarino. À suivre aujourd'hui sur les cours, Jérémy Chardy, Luc Capouille, Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga, ainsi que l'entrée en lice de Novak Djokovic. Et puis jamais on ne s'était autant approché du soleil. Record battu pour la sonde Parker, lancée au mois d'août par l'agence spatiale américaine. Elle est devenue l'appareil à s'être rapprochée le plus de l'astre. Actuellement, elle se trouve à 42 millions de kilomètres quand même. Le périple n'est pas fini. L'objectif final, être au plus proche en 2024 à 6 millions de kilomètres. La météo, il n'y a plus que 17 départements en alerte orange ce matin. Vigilance neige-verglas des Ardennes à la Haute-Loire. Ce matin, il neigera jusqu'en plaine de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est. Ces chutes de neige toucheront l'Île-de-France, le centre-val de Loire et les Hauts-de-France avant de tourner à la pluie. Le temps restera perturbé dans le sud-est et le centre-est, mais moins qu'hier. L'après-midi, ça devrait s'améliorer malgré quelques averses persistantes du Bas-Rhin au nord du pays. Les températures ce matin, il fait froid. 3 degrés au Puy-en-Velay, 4 à Saint-Brieuc et à Mont-de-Marsan, 5 à Mulhouse, 6 à Amiens et à Saint-Rémy-de-Provence, 12 degrés à Bonifacio. L'après-midi, on attend 10 à Rouen et Paris, 11 à Dunkerque et 12 à Angers, Castres et Chambéry. 7h03, vous êtes sur RTL2, vous cherchez un boulot dans la série Job de rêve. J'en ai un beau dont je vais vous parler ce matin. Après Calogero, volé de nuit sur RTL2. Qui réveille, c'est celui de Calogero ce matin dans le best-of du double expresso RTL2 volé de nuit. Le double expresso RTL2. Le best-of avec Sylvain Alexis. Volé de nuit, ce qu'il vous faudra accepter de faire si vous travaillez pour Madonna. Figurez-vous qu'elle cherche un cuisinier privé entre Londres, Lisbonne et New York. Elle propose, tenez-vous bien, un salaire annuel de près de 140 000 dollars au chef qui serait prêt à lui préparer des repas, à elle et ses 6 enfants, et de la suivre au cours de ses déplacements. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur son compte Instagram, Madonna. Elle est sur RTL2 ce matin avec le titre « Raccord ». Avec le froid de cette fin octobre. Wow. Frozen à 7h07 sur RTL2. Bon réveil, pop rock. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Madonna sur RTL2, la reine de la pop musique, alors que deux chinoises ont tout pour devenir prochainement les reines du tri sélectif. Dans le best-of du double expresso RTL2 de ce mardi matin, Greg et Justine vont nous parler de ces deux chinoises qui proposent une poubelle révolutionnaire. C'est l'info expresso qui est à suivre après Tom Walker. Bonne humeur et son pop rock, c'est le credo ici tous les matins. Enfin, son premier album à Tom Walker, What a Time to Be Alive, arrive. On l'attend pour le 1er mars. Tom Walker à venir avec également Indochine sur RTL2. Bon réveil, bonjour. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Cofidis et Éric Jean-Jean présentent Préjugé numéro 16. Les intervieweurs de stars prennent la grosse tête. Mais bonjour à tous les fans. Ah non, mais c'est trop d'honneur, les gars. Bon, vous insistez, d'accord, mais faites vite parce qu'après j'ai une interview. Parce qu'avec mon emploi du temps, c'est pas toujours facile. Hein. Vous voulez que je change de profil pour la photo? Non, mais faites vite parce que après. Bon, Eric, s'il te plaît, tu veux bien te pousser maintenant. Les photographes, ils sont là pour t'en inviter. Ah ouais, ok. Mais un petit selfie quand même, un petit. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur les préjugés. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron? Ils sont ouverts. Ouverts? Ouverts. Les supermarchés Lidl sont ouverts jeudi 1er novembre. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché exceptionnellement ouvert le jeudi 1er novembre. Informations et horaires sur Lidl.fr. Noroto. C'est bon pour les niveaux de la voiture? Ah oui, c'est même super bon. Enfin, t'emballes pas quand même, t'as juste remis de l'huile. Oui, mais à prix Noroto. Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits. Comme l'huile Total Activa 9000 5W40, maintenant à seulement 32,95€ les 5 litres. Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture. Il est pas trop fort ton champion? Oui, c'est mon champion. Alors. Noroto. Conditions sur noroto.fr. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. Ça, c'est le dernier Charlie Winston. The Weeknd sur RTL2. Roll the window down, let the wind blow in. Turn the volume up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. Work so damn hard like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Get down, I gotta pick me up. Gonna meet you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up, oh, the faces lighting up. Now the fire's alight, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. Weekend, we just dance. On the weekend, we just dance. On the weekend, we just dance. Come on, come on. On the weekend, we just dance. All we need is rhythm. I don't need no reason. Stop me if I'm making sense. Catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend, we just. On the weekend, we can dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance. double expresso RTL2. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. Vous êtes dans le best-of du Double Expresso, il est 7h20 sur RTL2. Si vous nous suivez sur rtl2.fr, vous avez l'image. Et alors Jérémy, pendant qu'il y a le piano sur Tom Walker, en fait il y a les doigts qui bougent, c'est incroyable. Tu as fait du piano quand tu étais petit, c'est l'instant confession. Voilà. Et voilà, il a revécu son enfance grâce à RTL2, c'est beau. Tom Walker est à voir si vous le souhaitez, il y a deux dates pour l'applaudir. Il sera du côté de la Cigale le 29 novembre, à la fin du mois prochain donc. Et puis la Cigale c'est à Paris. Et le 5 décembre du côté de Lyon. Nous partons maintenant en Chine pour une révolution en ce qui concerne le tri sélectif. C'est l'Info Expresso avec Greg et Justine. On y va. RTL2, l'Info Expresso. Alors, t'étais tellement enthousiaste il y a quelques secondes, Justine, pour nous parler des poubelles jaunes, poubelles vertes, poubelles bleues, bref, pour nous parler de poubelles dès le petit-déj. Mais non, mais alors, comme ça, c'est pas glamour, poubelle, non. Mais c'est un article très intéressant que vous trouvez ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Est-ce que vous faites le tri des déchets chez vous? Ah oui. Oui. Ah, ouais, c'est bien. Je traque les enfants les pour ça aussi. Alors, je vous explique. En fait, deux étudiantes chinoises qui sont en master de design ont mis au point une poubelle intelligente. En fait, c'est un prototype qui reconnaît les différents types de détritus et qui les place dans le bon bac. T'es pas sérieuse? Si, c'est magique. Mais enfin. Le système est très simple, c'est une poubelle nouvelle génération. Il y a un petit ordinateur intégré qui est capable de reconnaître 3000 objets différents. Donc, lorsque le déchet est glissé, dans l'orifice, ils appellent ça. D'accord. C'est le mot, hein. Il y a plusieurs petits. Toi, ça te fait rigoler. Ça me fait rigoler. Ça, évidemment, alors là on dit le mot orifice, tu rigoles. C'est étrange, quoi. Il a 5 ans. Mais désolé. C'est pas possible. Hein. Mais est-ce que je peux continuer? À quel moment le mot orifice devient une blague? Plusieurs petites caméras donc l'analysent et en une poignée de secondes l'identifient. Le compartiment adéquat se place alors à l'axe du trou où l'objet a été jeté. Et donc il est compacté avant de tomber dans le bac correspondant. C'est bien, voilà. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien foutu. Ah ouais. Donc, Dans un premier temps, ils visent les lieux publics et les entreprises. Ouais, c'est bien ça. Et l'objectif, c'est une commercialisation dès l'année prochaine. Donc, bravo. Écoutez, c'est pas mal. Toi, t'auras pas besoin de ça, Justine. T'as que des bouteilles à la maison, donc tu t'en fous. Tout va dans le même. Dans la poubelle en verre. Ça, c'est drôle. Qui là. Fait du bruit. Ça vous fait rire. Ça, c'est rigolo aussi. Ça, c'était ton match. Tiens, donne-moi un check. Voilà. Mais on te fait un bisou, hein, Justine. Oh là là, j'en peux plus de vous. Eh oui, mais c'est aussi pour ça qu'ils s'aiment tous les matins et qu'ils nous proposent ce best-of. Greg, Justine, il y a également Jonathan O'Donnell qui est là. On se fait les meilleurs moments tous ensemble jusqu'à 9h et toute la semaine pendant que toute l'équipe profite de quelques jours de vacances bien mérités. Indochine, vous avez reconnu juste en dessous. C'est maintenant, j'ai demandé à la Lune avant votre horoscope sur RTL de bon avec Pop Rock. À la Lune par Indochine à 7h25. Ne regardez pas la Lune, ça ne sert à rien pour aller applaudir Indochine. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils partent en tournée à partir de jeudi, tournée des Zénith de France. La mauvaise, c'est que à part quelques places pour les dates parisiennes, toutes les autres sont complètes. Bon, on connaît un petit peu Nicolas Sirkis et la bande, je suis sûr qu'ils vont finir par nous annoncer quelques dates supplémentaires d'ici quelques semaines. Il est 7h26, voici votre horoscope pour savoir comment votre mardi va se passer. Médaille de bronze d'abord aujourd'hui, les cancers. Ne restez pas sur une mauvaise nouvelle, il faut remonter la pente. Les vierges, vous allez avoir besoin d'un petit coup de boost. Les poissons, il faut voir le verre à moitié plein. Médaille d'argent, bélier, tout va bien pour vous en ce moment, mais oui, continuez sur votre lancée. Les gémeaux, restez toujours aussi souriants, ça fait du bien à tout le monde. Les lions, vous avez envie d'aller toujours plus loin dans vos projets. Le conseil, c'est de foncer, tout simplement. Les balances, vos proches ne disent que du bien de vous et vous adorez. Les scorpions, cultivez votre personnalité.

Les sports, maintenant, avec le tennis. Suite du premier tour au Masters 1000 de Paris-Bercy chez les Français, Jérémy Chardy ouvrira le bal suivi d'un duel 100% tricolore entre Lucas Pouille et Gilles Simon. Joe Wilfried Tsonga sera opposé à Milos Raonic. Hier, Richard Gasquet et Adrian Manarino se sont qualifiés pour le second tour. Fin de l'aventure, en revanche, pour Nicolas Mahut et Hugo Humbert. La météo, il n'y a plus que 17 départements, donc en alerte orange ce matin. Vigilance neige-verglas des Ardennes à la Haute-Loire, vigilance inondation levée dans le Var et encore du Sud. Ce matin, il va encore neiger jusqu'en plaine de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est. Ces chutes de neige toucheront l'Île-de-France, le centre-Val de Loire et les Hauts-de-France avant de tourner à la pluie. Le temps restera perturbé dans le Sud-Est et le Centre-Est, mais moins qu'hier. L'après-midi, ça devrait légèrement s'améliorer malgré quelques averses persistantes au nord du pays. Les températures ce matin, 1 degré à Pontivy, 3 à Paris et Limoges, 4 à Strasbourg, 5 à Lille, 6 à Marseille, 8 à Lège-Cap-Ferré et 12 degrés à Solenza. 7h33 avec RTL2, il se consomme comme un vrai best-of, avec envie, avec appétit, mais sans gras. Le best-of du double expresso RTL2 se poursuit avec Milky Chance. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Sur RTL2, bien, très bien pour démarrer la journée avec le sourire, le best-of du double expresso RTL2 continue. Greg et Justine sont avec nous pour la rubrique de l'émission que j'aime le plus, je vous le dis tout net, parce que l'équipe du double expresso arrive tous les matins à nous surprendre avec leur chanson du jour, No Brexit. Cette chanson du jour, elle est so British ce mardi. RTL2, la chanson du jour. J'avoue, j'ai entendu un extrait de la chanson du jour et je suis très excitée. Mais oui, parce que je vous l'ai déjà dit sur Twitter, si vous nous suivez sur la page Facebook. Le groupe de ce matin est un habitué de ma chanson du jour. On peut même dire qu'ils ont des accès VIP en permanence. C'est le groupe Muse, les Anglais. Retour sur leur premier album Showbiz et une ballade qui m'avait beaucoup marqué, moi, à l'époque. Je me rappelle très bien quand on avait découvert Muse et j'avoue que j'avais écouté l'album Showbiz en boucle tout un week-end et cette chanson Unintended. J'avais pas souvenir d'avoir entendu une chanson aussi belle depuis très très longtemps. J'avais quoi, 25 fiches à peu près. C'est une de mes Madeleine de Proust de ma vingtaine. Chanson qui veut dire involontaire une fois qu'on a fait la traduction de Unintended. L'histoire est simple et c'est Matthew Bellamy, le chanteur du groupe, qui nous la raconte. C'est une chanson qu'il a écrite en studio après une conversation avec une fille au téléphone. C'est le téléphone, oui, allô, blabla. Je fais très mal la conversation. Le titre, nous dit-il, fait référence à tous ses sentiments qu'il a ressentis au moment où il était en ligne avec elle. Il maîtrisait absolument pas tout et ses sentiments venaient d'à peu près partout et en même temps de nulle part. Alors on va démarrer la semaine dans le double expresso RTL2 avec cette pépite, cette douceur envoûtante. Voici Muse Unintended sur RTL2. You could be my unintended choice to live my life extended. You could be the one I'll always love. You could be the one who listens to my deepest inquisitions. Avec News sur RTL2, Unintended, le choix de Greg et Justine dans le best-of du double expresso de ce mardi. Avant 8h, le savoir inutile arrive. Pourquoi mange-t-on avec des baguettes en Asie? That is the question. Ce matin, Greg et Justine vont y répondre. Après qu'on ait joué ensemble, on fête la sortie de Bohemian Rhapsody au ciné demain avec RTL2 en vous offrant ce matin l'iPad Pro 3228. vous avez cette envie de faire tourner la roue pop rock, allez-y, on vous attend. Mais oui. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Action. 32 28 pour l'iPad Pro, vous êtes en direct pour faire tourner cette roue pop rock après Jacob Banks sur RTL 2 7h41. Bonjour. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tous les jours, à partir de 16h, je vous retrouve avec le Drive RTL 2 pour vous raccompagner chez vous. Avec au menu du son pop rock, des jeux, des infos sur le son pop rock, des interviews, des découvertes et encore du son pop rock. Bref, à tout à l'heure sur RTL 2. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salers. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors monsieur Dubois, vous êtes boucher spécialisé dans la Limousine. Tout à fait. D'abord parce que c'est une race de chez nous. Et puis là, on est sur des bêtes qui sont nourries au pâturage presque toute l'année. Hein. Au final, on a une viande d'exception, quoi. C'est-à-dire ? Ah ben, un goût incomparable, hein. C'est fondant, avec un grain très fin, des saveurs qui s'expriment. Vous êtes un défenseur du goût, en fait. C'est ça. Alors moi, c'est de la Limousine, hein, mais j'ai des collègues qui préfèrent la Salers ou l'Aubrac. Et d'autres qui sont plus sur de la Blonde d'Aquitaine ou de la Charolaise, voilà. Que des viandes racées, quoi. Et surtout, bien élevées. Bazadaise. Blanc bleu. Rouge des prés. Partenaise. Gascogne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. Brrr, il fait froid ce matin. Bah, va chez Tati. Chez Tati, t'as tout. T'as raison, en ce moment, pour un pull acheté, t'as un pull offert. En plus, tu peux gagner 10 millions d'euros de bons de réduction avec l'appli Bravo Loto. Chez Tati, t'as tout. Chez Tati, t'as tout. Voir conditions sur tati.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, du caviar, ça vous dit ? T'as vu les prix ? Ah bah vous allez être surpris. Dès demain, c'est le retour des semaines de luxe. Et cette semaine, les 10 grammes de caviar français variété Bayery sont à 7,49€. Du caviar à 7,49€ les 10 grammes ? C'est un canular ! Ah non, c'est le vrai prix. Et je répète, du caviar français, hein. Alors les fins gourmets comme vous et moi... Toi, un fin gourmet ? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 749€ le kilo, produits transformés en France. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limiter les aliments gras, salés et sucrés. Le son pop rock RTL 2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL 2. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. Sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. 7h46, vous écoutez RTL2, il est temps de se parler les yeux dans les yeux. Ou de bouche à oreille, du moins. 32-28, la roue Pop Rock est à faire tourner dans 3 minutes pour l'iPad Pro. Vous avez envie de jouer? 32-28, vous êtes en direct après Jacob Banks, A Note to You sur RTL2. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I've done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. And what I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forget it now, it started. This is how it ends. Oh no. I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been touching. Tell me you've been betraying all I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Tell me that I'm unknown to you. Jacob Banks sur RTL2, son album Village sort vendredi. Il sera en concert aussi au Trianon de Paris. Ouais, avec nous le 15 décembre prochain. Vous réservez sur RTL2.fr, 7h50. La roue Pop Rock RTL2. C'est le moment de jouer. Vous avez été nombreux et nombreuses à vous inscrire pour l'iPad Pro qu'on vous offre pour fêter la sortie du film Bohemian Rhapsody dans toutes les salles obscures avec RTL2 demain. C'est Sandrine qui nous rejoint tout de suite au 3228. Bonjour Sandrine. Bonjour Sylvain. Vous êtes en vous êtes en Provence. Le petit accent me dit tout. Vous êtes du côté de Ribier, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon, il y a de la pluie chez vous ce matin, non? Oh, il y a un temps minable. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu partout pareil, malheureusement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sandrine? Je suis cuisinière dans une cantine collective, on va dire. D'accord, vous faites des bons petits plats. C'est chouette ça. Vous travaillez aujourd'hui ou alors c'est repos? Non, c'est repos aujourd'hui. C'est tranquille. Repos, d'accord. Vous allez pouvoir vous occuper des enfants à la maison. Oui, voilà. Bon, dites-moi Sandrine, iPad Air a gagné maintenant. Je lance la roue Pop Rock. Vous me dites stop quand vous voulez. Et il faut découvrir ensuite le titre de la playlist RTL2 qui se cache derrière. Vous êtes prête? Ok. Le top quand vous voulez. Allez, top. Alors, on a quoi ce matin? Écoutons. Oh, c'est Queen. Bon, évidemment que c'est Queen. We are the champions, vous êtes notre championne du matin. L'iPad Air Pro est pour vous. C'est gagné, voilà. Super. Sandrine, une journée qui démarre bien avec RTL2. Oh, magnifique, vous êtes génial, voilà. On vous souhaite une bonne journée, Sandrine. Attention à la pluie et bisous aux enfants. Ouais, ça va. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Et voilà, ça se passe comme ça tous les matins avec la roue Pop Rock. iPad Pro a gagné un autre demain. Ce sera le jour de la sortie de ce fameux film sur Queen, Bohemian Rhapsody avec RTL2. Et si on se l'écoutait, ce petit Queen avec We Are the Champions. Vous êtes prêts? Allez, j'appuie là, c'est parti. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions. Classic Pop Rock signé Queen sur RTL2 We Are The Champions à 7h55 après avoir écouté ce savoir inutile by Greg et Justine dans le best-of du Double Expresso. Vous ne rentrerez plus jamais de la même façon dans un restaurant chinois ou japonais. Vraiment. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller en société. Les savoirs inutiles ce matin. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous. On parle de pourquoi en Asie on mange avec des baguettes et pas avec des traditionnels couverts pour nous. Alors attention, ambiance. C'est bossé. Évidemment. Donc en Occident, c'est vrai qu'on mange tous avec des couverts. Pour nous, c'est classique, c'est la norme. Et en Asie, on est plutôt team baguette. D'ailleurs, quand nous commandons des sushis ou même quand on va manger dans un resto thaïlandais ou chinois, on se fait toujours un petit plaisir de manger avec des baguettes. Tu manges avec des baguettes, sais manger avec des baguettes. J'ai appris à manger avec des baguettes. Toi, non, évidemment. Si, mais moi, juste quand elles sont serrées, quand elles sont séparées, j'arrive pas. T'as le truc des enfants. Comme les enfants. Alors la légende la plus répandue, c'est que dans la haute société asiatique de l'époque, qui était majoritairement constituée de gens de lettres, les couverts occidentaux étaient tout simplement considérés comme barbares. Autrement dit, manger avec un couteau, découper sa viande dans son assiette, c'était tout sauf raffiné, c'était même assez dégoûtant. Donc la solution se trouvait dans les baguettes. En fait, ça obligeait la nourriture à être découpée en cuisine, on voyait pas les couteaux et tout le monde était content. Et le plat arrivait, vous n'aviez qu'à déguster quelque chose qui était complètement préparé et vous n'aviez pas à le faire de manière barbare devant vos hôtes ou devant vos convives. C'est plus chic. C'est beaucoup plus chic. Voilà les baguettes, c'est un signe de raffinement dans la haute société asiatique de l'époque et c'est resté comme tradition. Alors, par contre, c'est vrai que moi, je mets du grain de riz un peu partout quand j'essaie de manger avec le bol. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que le bol, il est souvent levé très très haut près de la bouche. Bah, t'es obligé sinon. Oui. Déjà, on mange très lentement parce que c'est des toutes petites bouchées. Jérémy qui est papa comme moi, je passe mon temps à dire à mes enfants, j'ai entendu mon père me répéter ça pendant des années, c'est la fourchette qui va à la bouche et pas la bouche qui va à la fourchette. Et là, il colle le bol de riz sur le pif. C'est non. Bon, c'est pas vrai, je m'énerve pour de faux. Sayonara, c'est le best-of du double expresso jusqu'à 9h. En attendant son nouvel album pour Noël. Adèle est à venir après vos infos de 8h. Bon début de journée avec RTL 2. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les nuits d'Astrid et Jean qui changent. Avec 70% en cagnotte sur les couches Baby Dry Mega Pampers. Moins 70%. Astrid, Jean. Voyons les choses du bon côté. Maintenant, quand vous vous levez 5 fois par nuit, ben quelque part, vous faites 5 fois des économies. Dès demain et jusqu'au 6 novembre, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur les couches et culottes Baby Dry Mega Pampers. Et vos nuits changent. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin, magasin ouvert le 1er novembre, voire sur Auchan.fr. Les très belles reprises Peugeot, ça n'attend pas. Vous désirez plus que tout la superbe citadine compacte Peugeot 208 avec navigation 3D et parc assist, idéal en ville et partout ailleurs. Alors cédez à la tentation pour enfin laisser place à une expérience de conduite unique. En ce moment, Peugeot reprend votre véhicule 2900 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 208 neuve. Découvrez les véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Conditions sur offre.peugeot.fr. Dormir comme un loir, comme une bûche. Pour s'endormir, on peut toujours compter sur la nature ou sur L72, un médicament homéopathique aux 10 substances actives traditionnellement utilisé dans les troubles mineurs du sommeil. Nouvelle composition, ce médicament contient de l'alcool, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. À partir de 30 mois, chez l'enfant, prendre un avis médical. Laboratoire Lenning. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant! Jusqu'au 4 novembre, selon quantité d'articles achetés, voire conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures, RTL2. Pour faire plus écologique à l'atelier, on devrait tous parler suédois. Ouais, écoute, ja, der Glutenfrin, der Rosmusen. Mais t'as raison, ça fait tout de suite plus vert. Chez Vattenfall, leader suédois de l'énergie, nous proposons plutôt aux entreprises une électricité moins chère et neutre en carbone. Appelez le 3255 ou rejoignez-nous sur vattenfall.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Offre de marché, voire conditions sur site, prix d'un appel local. Elle a l'air neuve, ta Mini. T'es sûr que tu roules avec? Mais c'est que je l'entretiens bien, moi. Oh, c'est impressionnant. Bah oui, je la fais entretenir chez Mini Service. Et tout ce qu'il remplace est certifié d'origine. Ah bon? Bah oui. Et en plus, je sais qu'elle sera bichonnée par des spécialistes. Des spécialistes certifiés d'origine? Mais tout à fait. Jusqu'au 14 décembre chez Mini Service, bénéficiez de tarifs préférentiels si votre Mini a plus de 5 ans. Et profitez de 50 euros de remise supplémentaire pour toute prise de rendez-vous en ligne. Mini. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Détails sur mini.fr. Adèle et Police sont à suivre sur RTL2, il est 8h. Bonjour. Les infos de ce mardi avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Un blessé et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de la tempête Adrian qui a balayé la Corse. L'alerte rouge a été levée sur l'île et le vent a commencé à faiblir, mais les quatre aéroports et les ports sont fermés. Plus de 16 000 foyers ont été privés d'électricité. Ce matin, c'est la neige qui bloque le centre du pays. 17 départements sont toujours en vigilance orange. Neige et verglas des Ardennes à la Haute-Loire. La Haute-Loire où 800 véhicules ont été bloqués hier soir sur la route. Près de 200 personnes ont passé la nuit dans des hébergements d'urgence. La N88 reste fermée dans les deux sens, entre Firminy et le Puy-en-Velay. Christophe Castaner porte plainte dans la ligne de mire du ministre de l'Intérieur. Un appel sur Twitter à la purge contre les policiers. L'auteur des messages a été identifié. Il s'est rendu de lui-même au commissariat de Grenoble. Âgé de 19 ans, il a évoqué une mauvaise blague. Il a été placé en garde à vue. Dans l'Indre, la maternité du Blanc évacuée tôt ce matin. Ils étaient des dizaines à se relayer pour occuper le service depuis l'annonce de sa fermeture. Il y a 11 jours, l'État a interdit les accouchements. Depuis juin à la maternité, il juge l'établissement dangereux, faute notamment de personnel. Du coup, les futures mamans sont désormais obligées de faire plus d'une heure de route pour accoucher. À l'étranger, Donald Trump va envoyer 5000 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique. Ils viendront s'ajouter aux 2000 militaires déjà présents. Le président américain veut empêcher 4000 migrants partis du Honduras d'entrer aux États-Unis. Jamais on ne s'était autant approché du soleil, record battu pour la sonde Parker, lancée en août par l'agence spatiale américaine. Elle est devenue l'appareil à s'être rapproché le plus de l'astre. Actuellement, elle se trouve à 42 millions de kilomètres, mais le périple n'est pas fini. L'objectif final, être au plus proche en 2024 à 6 millions de kilomètres. Les sports, Raphaël, il y a du foot ce soir. Deux matchs des 16e de finale de la Coupe de la Ligue à 18h45. Montpellier accueille Nantes et à 21h05, Lille se déplace à Strasbourg. Enfin, en Espagne, le Real, c'est fini pour Lopetegui. Au lendemain d'un classico perdu 5-1 à Barcelone, Madrid a annoncé le renvoi de son entraîneur. L'Argentin Santiago Solari assurera l'intérim avant l'arrivée du futur coach. La météo, on le disait, il n'y a plus que 17 départements en alerte orange ce matin. Vigilance, neige verglas des Ardennes à la Haute-Loire. Ce matin, il neigera encore jusqu'en plaine de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est. Ces chutes de neige toucheront l'Île-de-France, le centre-Val de Loire et les Hauts-de-France avant de tourner à la pluie. Le temps restera perturbé dans le sud-est et le centre-est, mais moins qu'hier. L'après-midi, ça devrait s'améliorer malgré quelques averses persistantes du Bas-Rhin au nord du pays. Les températures ce matin, 3 degrés au Puy-en-Velay, 4 à Concarneau, 5 à Mulhouse, 6 à Amiens et à Sainte-Maxime, 7 à Arcachon, 12 à Porto-Vecchio. On attend 10 degrés cet après-midi à Rouen et Paris, 11 à Dunkerque et 12 à Angers, Castres et Chambéry. 6h, 9h, le double expresso RTL 2. Rolling in the Deep, Adèle sur RTL2 à 8h06. Le double expresso RTL2. Le best-of avec Sylvain Alexis. Dingue, Adèle qui n'a rien fait en 2018, pas de concert, pas d'album, et pourtant au jeu des royalties, elle a gagné près de 11 millions de dollars, ça nous fait une moyenne, j'ai fait les comptes, 30 100 dollars par jour, sans rien faire. Elle est belle la vie d'artiste, hein, mon Jérémy. Je te confirme, elle est très belle même. Elle permet aussi parfois de devenir parent très tard. Le 30 octobre 2003, Paul McCartney à 61 ans devient encore une fois papa d'une petite fille, Béatrice Millie. Les anniversaires aujourd'hui, 54 ans pour Christina Cordula, une copine de la maison M6, 58 pour Diego Maradona et 59 ans pour Vincent Lagaffe. Je regarde tous les jeux de Vincent Lagaffe, je te laisse le choix lequel tu veux, Jérémy. Ah, le culte, Big Deal. Le petit Big Deal. Allez, vas-y. Quoi ça? Ah là là. Est-ce que tu revois Bill, l'extraterrestre? Dans l'écran, oui. Oui. Vincent, mon ami Vincent. Je le fais super mal, mais bon. Ouais, je te confirme. L'intention était là, tu vois. Bon, il n'y a pas d'extraterrestre pour la suite ce matin. Une info expresso est à venir sur RTL 2. Et puis, bah là, on va parler d'une fille qui n'était pas une extraterrestre, mais une prostituée. Ouais, c'est elle qui a inspiré Police lorsqu'ils sont passés à Paris, fin des années 70. Cette fille s'appelait Roxane. Ils ont fait une chanson sur elle, que voici sur RTL 2. Roxane, you don't have. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Classique pop rock qui fait du bien à 8h10, c'est Police avec Roxane dans le best-of du double expresso sur RTL2. Greg et Justine vont vous donner une astuce avant 8h30 pour gagner un petit peu plus d'argent tous les mois. C'est à suivre, c'est l'info expresso juste après les Guns N' Roses. J'avais les cheveux longs, un jean troué, toute une époque. Mais ça va faire plaisir de réécouter Don't Cry avec vous ce matin dans le best-of du double expresso sur RTL2. À tout de suite. RTL2 a été la première radio en France à vous jouer ce titre de U2. Ce titre de Zen, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. Jacob Banks. Vous l'avez découvert sur RTL2. RTL2, les plus grands artistes pop-rock.

Sur RTL2, Don't Cry, personne ne pleure. Nous ne sommes que joie et bonne humeur ce matin avec le best-of du Double Expresso sur RTL2. Oui, Jane, plus votre horoscope arrive après ce moment où Greg et Justine nous parlent sous et argent. Ça va vous intéresser, c'est l'info Expresso sur RTL2. RTL2, l'info Expresso. L'info Expresso trouvée sur cosmopolitan.fr. Bon, les impôts, la taxe d'habitation, les 1500 anniversaires autour de vous, vous avez besoin d'une petite rallonge de salaire. Ça nous arrive à tous. Et JustineSalmon.com vous distribue son argent. Eh ben non, j'ai des bons plans pour justement arrondir vos fins de mois. Par exemple, organiser un vide dressing.

nouveau Jane est sur RTL2. Bien, il s'appelle Oman à 8h26. L'horoscope pour ce mardi 30 octobre, nos médailles de bronze du jour, les cancers, les vierges et les poissons. Cancer d'abord, ne restez pas sur une mauvaise nouvelle, il faut remonter la pente. Vierge, vous allez avoir besoin d'un petit coup de boost. Les poissons, il faut voir le verre à moitié plein. Médaille d'argent pour aujourd'hui. Les béliers, d'abord, tout va bien pour vous en ce moment. Continuez sur votre lancée. Gémeaux, restez toujours aussi souriant, cela fait du bien à tout le monde. Les lions, vous avez envie d'aller toujours plus loin dans vos projets. Le conseil, c'est de foncer, tout simplement. Balance, vos proches ne disent que du bien de vous et vous adorez ça, on peut vous comprendre. Scorpion, cultivez votre personnalité, elle vous rend unique. Les sagittaires, vous êtes d'humeur resplendissante aujourd'hui. Capricorne, voilà une journée parfaite pour se détendre. Verseau, votre charme fou vous donne un coup de pouce aujourd'hui. Et la médaille d'or, elle est pour les taureaux. Soyez rassurés, amis taureaux, tout le monde vous décrit comme quelqu'un de génial. Lui, je l'aime bien. Avec son talent génial. Il sera en concert à La Cigale à Paris jeudi avec nous. Et ouais, date supplémentaire le 9 mai au Zénith de Paris. Toujours vous réservez sur rtl2.fr. Georges Ezra est à venir après l'info de 8h30. Lorsque vous écoutez Mika, vous êtes sur RTL2. Alice Merton, vous l'avez découverte sur RTL2. RER. C'est forcément RTL2. RTL2. RTL2, le son pop rock. Denis est peintre. Entre les chantiers, les devis, les réunions et les petits services pour en remettre une couche, il n'a pas une seconde à lui. Mais Denis sait que pour tout ça, Bricoman l'accompagne au quotidien. Voilà pourquoi Bricoman lui propose la carte Premium Pro pour lui faire profiter de tarifs et services préférentiels et le paiement en différé, sans avoir à courir après. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Tarifs et conditions en magasin dépôt. Intermarché vous propose d'écouter un événement exceptionnel. Du 23 octobre au 4 novembre, profitez d'offres sur toute une sélection de whisky pendant la foire au whisky chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Notre chanteur nous abandonne. Alors il vous en faut un nouveau. Freddie Mercury. Personne veut nous passer à la radio. L'homme derrière la légende. Il faut qu'on soit expérimentaux. 6 minutes, c'est interminable. Je plains ta femme si tu trouves que 6 minutes, c'est interminable. Bohemian Rhapsody, l'audace est éternelle. Prêt, Freddy ? Tu as toute la salle à tes pieds. Bohemian Rhapsody, le 31 octobre au cinéma, avec RTL2. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les nuits d'Astrid des gens qui changent. Avec 70% en cagnotte sur les couches Baby Dry Mega Pampers. Moins 70%. Astrid, Jean. Voyons les choses du bon côté. Maintenant, quand vous vous levez 5 fois par nuit, ben quelque part, vous faites 5 fois des économies. Dès demain et jusqu'au 6 novembre, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur les couches et culottes Baby Dry Mega Pampers. Et vos nuits changent. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin, magasin ouvert le 1er novembre, voire sur Auchan.fr. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Georges Ezra à suivre pour le son pop rock RTL2. Avant ça, à 8h30, vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Il n'y a plus que 17 départements en alerte neige et verglas ce matin. Cela va des Ardennes à la Haute-Loire en passant par l'Ain et la Corrèze. Il est tombé jusqu'à 40 cm de neige par endroit. Des dizaines d'automobilistes ont dû abandonner leur véhicule en Haute-Loire. Ils ont été 200 à dormir dans des centres d'hébergement d'urgence. Dans le Var et en Corse du Sud, la vigilance pluie-inondation a été levée. L'île a été balayée par les vents hier avec des rafales enregistrées à 180 km/h. Un homme a été grièvement blessé en Balagne. Il n'y aurait pas d'autres victimes, mais les dégâts sont nombreux. Un nouveau procès pour Jérôme Kerviel. Après une victoire au prud'homme, l'ancien trader se retrouve de nouveau face à la Société Générale. Il y a 2 ans, la banque avait été condamnée à lui payer 455 000 euros. Elle avait fait appel. Le budget de la Sécurité sociale pour 2019 à l'épreuve de l'Assemblée. Après une semaine de débats et de tensions, les députés doivent voter aujourd'hui. Le texte devrait être validé sans difficulté. Et pour la première fois depuis 18 ans, ce budget sera positif avec 700 millions d'euros d'excédents prévus l'an prochain. L'objectif du gouvernement, boucher le trou de la Sécu d'ici 2024.

son pop rock qui met de bonne humeur le matin, ne le cherchez pas ailleurs, il est sur RTL2, Georges Ezra avec Shotgun à 8h35. Bon début de journée à tous, bon courage sur la route, hein, je pense à vous, notamment du côté de Saint-Etienne avec la neige. Voilà, c'est pas facile ce matin, on est là pour vous accompagner avec le sourire et les meilleurs moments de Greg et Justine. C'est le best-of du double expresso jusqu'à 9h. Winner du jour maintenant avec des voleurs qui vraiment, vraiment ne sont pas les meilleurs du monde, écoutez. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Un winner trouvé ce matin sur CNews. Oui, alors vous le savez, le cannabis est légal dans certains États américains. Oui. D'accord, donc là je vous emmène au Colorado. C'est des voleurs qui voulaient voler justement du cannabis. Ils se sont dit, ouais les gars, on fait un commando, on prend une voiture, on fait une voiture bélier et on attaque pour braquer du cannabis. D'accord. Bon, évidemment, on est contre, hein, on est pas, personne n'est d'accord avec ça, mais je vous situe l'histoire. Ils y vont, ils prennent leur voiture bélier, ils attaquent le magasin, ils l'encassent dans l'enseigne Native Roots, ils dérobent quelques t-shirts et des cartons remplis d'herbe. Et ils partent. Mmh. Bon, alors il faut savoir qu'ils ont pris de l'origan à la place du cannabis. C'est énorme. Parce qu'en fait, le cannabis était dans le coffre-fort et eux, ils sont partis avec de l'origan. Et ils ont laissé la voiture bélier tout dévastée et le casse raté. Et ils ont leur kilo d'herbe aromatique sous le bras. J'imagine, je suis en train d'imaginer la scène quand ils se retrouvent dans un appartement à ouvrir les cartons trop contents. Et là. Bah, si ça se trouve, ils voulaient vraiment de l'origan, c'est des pizzaiolos les mecs. Hein, ouais. On est pas là contents. L'origan et la pizza, bah ce sera écoutez pour ce midi. Voilà, on se réveille, c'est encore l'heure du petit déjeuner. Je pense à vous qui êtes devant les viennoiseries. Profitez-en avec le son pop rock qui va bien. Michael Jackson avant l'exposition Michael Jackson on the Wall qui démarre le 23 novembre au Grand Palais de Paris. Voici un classique pop rock qu'on aime le matin sur RTL2. Black or White, bonjour, bon réveil. Being a color.